أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui pour qui Allah veut le bien facilite l'apprentissage de la religion. Then, comme nous l'avons dit, demain, toute la nuit 27, et cette nuit, c'est une rappel. C'est-à-dire revivifier la nuit du 27, c'est-à-dire faire l'éveillé d'une nuit du 27. Demain, inshallah, c'est l'habitude des musulmans, mais la nuit du Qadr, ça peut être n'importe quelle nuit, mais c'est surtout dans les nuits impaires et les 10 dernières nuits. Bon, on est dedans, et puis demain, justement, c'est une nuit impaire, donc c'est possible que ce soit, mais comme on l'a vu, c'est pas sur certains. Laisse Achat Khun Laïs Savar Chef, Lakam, Kat Takoun. هذه ولكن ذكرنا ونذكر انه ليله القدر معناها ليله العظمه قدر بالتسكين مش القدر ليله القدر دونك قدر سي لا نوي دو لا غراند فالور سي سا كو دير كما لا اكسبيكي توت ا لور سي سا لا بون تراديكسيون سي لا نوي دو لا غراند فالور. Bon, beaucoup ils disent nuit du destin parce que Dieu donne à savoir des choses du destin, donc ce qui arrive, yani, jusqu'à la nuit de Qadr l'année prochaine. Et donc, dans cette nuit, yani, Allah يعلم مالكته ما يحصل بعض الأشياء التي تحصل يعني للعباد من أرزاق وموت وكذا يعني في هذه السنة إلى ليلة القدر السنة المقبلة. ولكن قاعدة نكررها ونعيدها: الله يعلم كل شيء وتقديره لا يتغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير. Bien sûr, on le répète et c'est important. Dieu, il sait toutes choses. Lui ne change pas. Il fait changer les créatures et lui ne change pas. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc la parole qu'ils disent les musulmans avant, Subhan alladhi yughayyir wa la yataghayyir. Wa ar-rasul alayhi salatu wa salam qala: an ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka wa an tu'mina bil qadri kullihi. Wa law mitta ala ghayri hadha dakhalta an-nar. Wa law mitta ala ghayri hadha dakhalta an-nar. Donc le prophète il a dit: il faut que tu crois que ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter et ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Et si tu meurs sur autre que cela, tu rentres en enfer. Donc pour être croyant, il faut croire que tout ce qui t'a arrivé, c'est que c'est prédestiné. Et ce que t'as raté, c'est prédestiné que ça n'arrive pas. Et ça, ça ne change pas. Et tout qui est prédestiné, c'est-à-dire même ta pensée, tes idées, tes rencontres des gens, tes acquis, c'est prédestiné par Dieu. كل ما يحدث لك ويطرأ وتتعلمه وتنساه ومن تلتقي به في حياتك وما يحدث لك في حياتك كل لحظة بتقدير الله. Chaque instant est prédestiné, est voulu, est créé par Dieu. كل لحظة بتقدير الله وعلمه ومشيئته وبخلقه. Tout est voulu, créé par Dieu. علماء لخص هذا يقولوا: لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Donc ça, c'est que les savants disent. Donc c'est ça la croyance de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed. Chaque instant est créé par Dieu. Chaque perception est créée par Dieu. Donc celui qui ne croit pas cela, il n'est pas musulman. Alladhi la yu'minu annu kull lahdha bi khalqi Allah la yakun muslim. Afkaruka ghaflatuka Allah qala wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuha. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuha. Il sait Dieu, même les mauvaises suggestions que tu as. Il sait tout. Dieu, rien n'est lui caché. Il sait toutes choses avant qu'on arrive. Donc, comme on l'a dit, demain, il y aura l'occasion, inshallah. C'est des choses de bien, bien sûr. C'est pas oublié. Donc, dans l'islam, ces choses-là, veiller, même talawih, tout ça, c'est des choses de bien. Mais le plus important pour la personne, bien sûr, c'est avant tout d'apprendre les règles de la religion et d'appliquer les devoirs et d'éviter les interdits. أهم شيء الإنسان هو أن يتعلم ما فرض الله ويعمل بذلك فيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. إذن كنا تكلمنا عن العقيدة الصلاحية اللي هي كانت تدرس زمن سلطان صلاح الدين الأيوبي. Donc on parlait du traité de croyance salahiyya qui était enseigné à l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi, le grand conquérant. Qala wa sani'u al-'alam la yahwi qutrun ta'ala Allah 'an tashbihi. Qad kana mawjudan wa la makana wa hukmuhu al-ana 'ala ma kana. Il dit le créateur du monde, il n'est pas concerné par les limites, pas englobé par la limite. Dieu est exempt de toute ressemblance. Il n'est pas concerné par la ressemblance. Kana mawjoudan wala makana. Wa hukmu al-ana ala makana. Il existe de toute éternité, il n'y a pas d'endroit avant. Ar-Rasoul qala kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Sahih Bukhari. Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Donc le prophète, alayhi salam, a dit ce qui signifie Dieu existe de toute éternité et rien n'est tel que lui de toute éternité. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Donc, il existe avant l'endroit, sans endroit, et maintenant il est tel qu'il est. C'est ça que ça veut dire ce qu'il a dit. قَدْ كَانَ مَوْجُودًا وَلَا مَكَانَ وَحُكْمُهُ الْآنَ عَلَى مَكَانَ كَانَ مَوْجُودًا وَلَا مَكَانَ وَحُكْمُهُ الْآنَ عَلَى مَكَانَ لَا يَتَغَيَّرُ. Donc il ne change pas. Il existe avant l'endroit, sans endroit, et après qu'il a créé l'endroit, il est sans endroit. Subhanahu jalla anil makani wa azza an taghayyur az-zamani. Subhanahu jalla. Subhanallah ay tanazzaha Allah. Jalla ay tanazzaha anil makan wa azza an taghayyur az-zaman wa la yajri alayhi zaman. Subhanahu, c'est-à-dire Dieu n'est pas concerné par l'imperfection, il n'est pas concerné par l'endroit, et il ne dépend pas du temps. Il n'est pas concerné par l'endroit, et il ne dépend pas du temps. Dieu n'est pas concerné par l'endroit, il ne dépend pas du temps. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. فقد غلا هذا تجاوز الحد الشرعي ضل يعني وزاد في الغلو في الضياع في الضلال من خصه بجهة العلو ضل لقول الله خاص بجهة فوق هذا الشرك من خلق فوق تحت يمين شمال أمام خلف الله كما قال الإمام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات جهات الست فوق وتحت ويمين شمال وأمام خلف طحاوي عنده أكثر من 1000 سنة donc il dit il s'est égaré il a exagéré il a fait preuve d'outrance Et il a augmenté en outrance quiconque attribue à Dieu la direction du haut, qui spécifie Dieu par le haut. Il a pris preuve d'outrance, il a exagéré. Et ça veut dire qu'il s'est égaré. Car c'est Dieu qui a créé le haut, le bas, la droite, à gauche, devant, derrière. Et il existe avant l'endroit, subhanahu wa ta'ala. وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء يعني هذا الذي ضل حصر الصانع جعل الله محصورا وهذا الشرك واضح في السماء مبدعها يعني بما مع أن الله هو الذي خلقها وخلق العرش قبل ذلك والماء وحصر الصانع في السماء هي تتمت لكلام فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيز قد ظل ذو التشبيه فيما جوزا أثبت الله التحيز والجهة ظل ذو التشبيه المشبه لأنه شبه الله بخلقه ضال donc il dit il a s'est égaré il a fait preuve d'outrance quiconque attribue à Dieu la direction du haut ou n'importe quelle direction d'ailleurs وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء et celui-là il s'est égaré par le fait qu'il a attribué à Dieu le haut il a fait que Dieu est limité dans le ciel alors que c'est Dieu qui a créé le ciel et qui a créé le trône et l'eau comment prétendre alors qu'il serait limité dans le ciel donc c'est un égarement alors que c'est lui qui a créé le ciel le trône et puis il existe avant les créatures وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز وأثبت لله التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز يعني انحرف عن الحق فيما جوز في حق الله هذا شرك بالله إذن هذا كله من كلام العقيدة الصلاحية معنى هذه كانت تدرس صلاح الدين الأيوبي لأن هنا حكيوا يعني الناس حضارة الإسلامية مش إنسان يأخذ دراهم في التلفزة صلاح الدين الأيوبي علماء في زمانه donc ici c'est la parole de la... c'était on l'appelle عقيدة صلاحية c'était enseigné par sous l'ordre du grand sultan musulman صلاح الدين الأيوبي qui a conquis Jérusalem ça veut dire c'est pas des simples charlatans ou XY qui passent à la télé là c'est à l'époque de صلاح الدين c'est enseigné donc toujours alhamdoulilah ici on cite les grands savants de la culture musulmane, de la civilisation musulmane, très connus dans le monde musulman, soit Shafi'i, Malik, Abu Hanif, al-Nawawi, etc. Et parmi eux, Salah al-Din al-Ayyubi. Il dit quoi alors dans la suite de ce vers en fait, donc des centaines de vers en fait, on a choisi quelques-uns. Il dit « وَأَثْبَتُوا لِذَاتِ التَّحَيُّزَ قَدْ ظَلَّ ذُو التَّشْبِيهِ فِي مَا جَوِّزَا » Et ils ont attribué à Dieu le, la limite. Alors, il s'est égaré, celui qui assimile Dieu à créature à cause de ce qu'il a osé au sujet de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Celui qui assimile Dieu à ses créatures, il s'est égaré à cause du fait qu'il a attribué à Dieu le semblable. Inna alladhi yu'minu birrahmani yuthbitu ma qad ja'a fil qur'ani min sa'il sifati wa tanzihi an sanani عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار شفت هذه اللي درسها في زمن صلاح الدين الأيوبي إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن لا ينكر كالمعتزلة من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه. يعني تبعش طريق التشبيه ولا التعطيل. يرد على المعتزلة بعد ينكرون صفات الله، ويرد على المشبه الذين يشبهون صفات الله بصفات الخلق. إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه. Il a dit, certes, celui qui croit en Ar-Rahman, Dieu, il confirme ce qui est dans le Coran. Sans des autres attributs de Dieu, tout en exemptant Dieu, en exemptant Dieu des voies de l'assimilation et de la négation. Ce n'est pas comme les Mu'tazila, il a nié des attributs de Dieu. Ce n'est pas le Mushabbih qui font ressembler Dieu à ses créatures, les attributs de Dieu, les attributs des créatures. Sifatullah. La tashbihu sifat ghayrihi. Donc les attributs de Dieu ne ressemblent pas aux attributs des autres, ne ressemblent pas aux attributs des créatures, bien sûr. Donc, قال إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف. يزيد التأكيد هنا، يقول من غير تجسيم ولا تكييف، لا يقال كيف في حق الله، الكيفية يعني لا منفية، لما أتى فيه ولا تحريف، الذي ثبت عن القرآن والحديث نثبته ولكن لا نشبه. بينا مثال الرحمن عرش استواء أي قهر وحفظ وأبقى، ينزل ربنا أي ملك ربنا. هذا هو التأويل والطريق الصحيح الذي كان يتبعه صلاح الدين وغيره من علماء وسلاطين المسلمين. Donc il dit suit ce qui s'est rapporté aux yeux de Dieu sans comment, il croit que c'est sans comment, ils sont attribués à Dieu le corps. من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف sans déformer. فإن من كيف شيئا منها زاغ من عن الحق وظل عنها. أي واحد يعني يطلق عن الله الكيفية والهيئة والشكل هذا شرك واضح. فإن من كيف شيء منها زاغ عن الحق وظل عنها. Celui qui a attribué à Dieu le comment, il s'est égaré. Celui qui a attribué à Dieu le corps et le comment, il s'est égaré. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار حتى الأحاديث كذلك إذا الآيات والأحاديث وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار مثل حديث رأينا ينزل ربنا أي ملك ربنا ينزل بأمر ربنا. Donc il dit et aussi concernant les hadiths rapportés du prophète عليه الصلاة والسلام pareil. On croit sans nier, ils sont assimilés Dieu à ces créatures. Comme le hadith Yanzilu Rabbuna, ça veut dire l'ange de Dieu descend sous l'ordre de Dieu. On n'attribue pas à Dieu le mouvement et l'immobilité. Allah la yusub al haraka wa la sukun, an hadha shirk, la yaliq billah subhanahu wa ta'ala. إذن قال وصانع العالم ذو كلامي أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته. قال الله تعالى له صفة الكلام، كلامه قديم قائم بذاته. سمعتها قديم، شفنا معناها بلا بداية. كل صفات الله ما عندهاش بداية ما عندهاش نهاية، لا تتغير والله لا يتغير. قائم بذاته ثابت له، يعني ليس المعتزلة شي بين من بعض ينفون صفة الكلام وليس المشبه ينسبون الله الحرف والصوت. Donc il dit, Dieu a pour attribuer la parole. La parole de Dieu n'a pas de début, donc il n'a pas de fin, ce n'est pas une langue arabe, une autre langue. Et elle est propre à Dieu. Si il nie les Mu'tazila, il nie ce qu'ils disent les Mu'tazila, qui nient, eux, ils nient l'attribut de parole de Dieu et d'autres attributs. Et ils répliquent aux Mushabbiha, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures. وقل لمن قد كيف الكلام صوت مع سلاما وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت Ma'an salama. فإنهم قد كابروا العيان وخالفوا الدليل والبرهان فياءوا للتشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. إذن يرد على يقول لهم الحاء في الرحمن قبل الميم، كيف تنسب الله الحرف والصوت والحاء والميم تتعاقب؟ فكلام الله إذن ليس حرفا ولا صوت. Donc il dit comment vous attribuez Dieu la les lettres alors que quand tu dis Ar-Rahman, les lettres se succèdent, sont entrées en existence et Dieu ne change pas. Donc ça c'est dans le traité de l'époque de Salah ad-Din qui réplique à ceux qui font ressembler Dieu à ses créatures, à ceux qui attribuent à Dieu les lettres et tout ça, la voix, et ça c'est du shirk. Et il réplique en même temps à ceux qui nient les attributs de Dieu, à savoir les Mu'tazila. Donc ça c'est une partie du traité qu'on a expliqué. Donc que Salah ad-Din il ordonnait que ce soit enseigner tous les jours dans les mosquées et dans l'école pour les enfants. C'est l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahil Amin, al-Marzuqna al-Mannafi'an, wa rizqan wasi'an, shifa'an kulli da'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al-mursalina, alhamdulillahi Rabbil Alameen.